Bonjour, le Beaujolais nouveau est arrivé. Bonsoir mon cher Tom. Bonsoir mon cher Phil. Puis c'est bon, on en a pour nous ce soir beaucoup puisque Jen n'est pas là. Jen, on va boire à ta santé. Hein ? On lui fait des bisous quand même. On préserve ta santé du coup. Oui, du coup, oui, voilà, parce que on va boire avec modération, mais surtout moi je vais boire avec Tom. Et Tom, il va boire pas avec modération, mais avec Phil. Oh, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Modération est en vacances. Bon, bah. Voilà, et donc bah, ce soir, une émission spéciale Beaujolarde. Donc bonsoir à tous les Beaujol pif. Hein ? Ça va nous réchauffer un petit peu. Ah, bah, toujours par ce temps-là. Ouais. Avec plein de nouveautés, plein de choses, de concerts, de places de concerts à gagner. Et puis, vous savez quoi ? Eh ben, parce qu'on est comme ça hein, dans le Rock for Show. Vous avez soif ? Vous avez faim ? Voilà. 06 80 01 28 34, on vous offre une bouteille de Beaujol Pif. Ah merde, je croyais que c'était bouteille d'eau. Non, on va leur offrir une bouteille de Beaujol Pif. Je sais que ça se fait pas, mais nous, on est comme ça, on le fait. Hein ? Alors, attention, avec modération, on vous l'offre. Hein. Il nous faut la carte d'identité. Ouais, il faut que vous soyez adulte. Ouais, voilà. Et sain d'esprit. Alors, ça, c'est pas gagné, les gars. Hein. Et il faut votre gamma GT et tout ça avant. Hein. Ouais, parce qu'on veut pas après être accusé de. Je suis devenu alcoolique à cause du Rock for Show, machin, tout ça. Non, attention, soyons sérieux. Bon, pour être sérieux, on va commencer avec. Avec un avec hommage. Du rock'n'roll. Du rock'n'roll, mais un hommage surtout, un hommage à notre ami Guillaume, puisque ça fait un peu plus d'un an maintenant, qui nous a quittés. La semaine dernière, on lui avait fait déjà un petit hommage en repassant en fond sonore Iron Maiden. Yes, hein, c'était pas au programme, c'était pas prévu, mais on avait le temps, donc on l'a émis. Voilà. Et puis ce soir, on a rechoisi un titre d'Iron Maiden tiré de l'album The Number of the Beast. Ça s'appelle Children of the Damned, sorti en 1982 chez Emmy. Et voilà. Puis en même temps, c'est un hommage à toutes les personnes parties cette triste soirée de 13 novembre 2015. Alors, on a choisi quand même Iron Maiden parce que c'était l'un des groupes préférés de notre ami Guillaume. Et puis, je sais que ça lui refait plaisir. Et je pense que ça lui fait plaisir parce que je suis persuadé qu'il nous écoute de là où il est et qu'il doit nous entendre, qu'il doit nous surveiller. Et il doit, parce que lui, il ne buvait pas du tout d'alcool, il buvait que du Coca Zéro. Hein. Donc je pense qu'il doit être là en train de dire le Coca Zéro nouveau il est arrivé aussi. Par contre il y en a qui sont à fond parce qu'il a déjà commencé à envoyer des SMS. Oui oui, mais on a même pas dit on a dit qu'il y avait une bouteille de Beaujolais Pif à gagner, mais on n'a pas dit quand, ni comment, ni où. Hein. Bah si, tu as dit que c'était au 06 81 01 28 34. Ouais, voilà. Mais en SMS hein, uniquement. Bon, allez, on va vous passer, on va vous parler de ce que l'on entend en fond sonore, puisque c'est un groupe qui sera en concert très prochainement, mon cher Tom. C'est le groupe Opeth. Opeth, Opeth au casque, c'est ça ? Opeth au casque ? Opeth au casque. Opeth. Opeth, donc, qui sera en concert cette semaine, hein, puisque c'est le deux concerts, deux dates. Le 21 et le 22. Au Trianon ! Tout à fait. Voilà, donc c'est jeudi. Ça doit être complet, donc c'est pour ça. C'est jeudi prochain ? Non, ça va être joli. Ah, 21, 22. Je sais pas. C'est lundi, mardi. Voilà. Lundi, mardi. D'accord. Donc, on est comme ça, nous. Et vous savez quoi ? On va faire gagner des places ce soir. Waouh. Ouais. Et avec les places, tu mets non, je ne fais pas une bouteille de Beaujolais et les places. Non, c'est soit une bouteille de Beaujolais, soit au pète au casque. Au pète au casque. Opeth au Trianon plutôt. Opeth au Trianon, ouais. Opeth au Trianon. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait leur poser comme question ? À côté de quelle salle est le Trianon ? Oui, à côté de quelle salle célèbre Et quelle est la particularité de ces deux salles ? Qu'ont-elles en commun maintenant ? Voilà, qu'ont-elles en commun maintenant ? Oui, c'est pas con ça. Hein ? C'est comme ça ? C'est bien. Ouais. T'as pas encore bu toi. Non. T'as les idées claires. Je prends pas des shooters, je prends du shuttle. Moi. Le shuttle, oui, d'accord. Allez, on passe aux nouveautés. Les nouveautés de cette semaine, c'est-à-dire de demain. Tout le monde l'attend, c'est le nouveau Metallica. Nous, on l'a eu un petit peu en avance. Ça fait 6 mois qu'on l'a, c'est tout. Peut-être pas 6 mois, mais au moins, bon, voilà. Donc, Metallica qui nous sort son nouvel album, Hardwired to Self-Destruct, qui sortira donc demain dans toutes les bonnes boucheries. On dit crèmerie normalement, mais bon. Non, là, c'est de la boucherie, là. Enfin, quoi que la boucherie, le groupe est de moins en moins trash, mais de plus en plus rock'n'roll. Ce soir, nous allons vous passer le titre qui se nomme Now that we are dead. Ben non, pas du tout. Mais bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce titre-là. Sorti sur Black End Recording, puisque c'est le label de Metallica. Ils, maintenant aussi, ils s'autoproduisent un petit peu comme tout le monde, et ils ont bien raison. Il y en a marre de donner du fric au label et puis aux intermédiaires. Autant faire tout soi-même. Tout soi-même, tout à fait. D'ailleurs, tiens, je vais déboucher la bouteille moi-même parce que je pense que ça y est, elle va pas se déboucher tout de suite. Ah. Calme-toi, calme-toi. on fait la programmation, mais on fait pas deux choses en même temps. Ah d'accord, ok. Alors Metallica, c'est un double album avec deux fois six titres. C'est leur dixième album studio. Donc, comme je vous le disais, il y a 12 titres, 2 CD de 6 titres. Et sur l'édition limitée, le collector, il y a 13 titres live, des trucs un peu pris à droite, à gauche et tout. Donc voilà, ça sera peut-être super bien. Qu'est-ce qu'on peut le dire d'autre? Rien, le groupe s'est formé. Tiens, bah, le voilà. D'où est originaire le groupe? Ah, ça, c'est pour gagner la bouteille de Beaujolais Pif. Ouais. D'où est originaire le groupe et en quelle année s'est-il formé? Voilà, c'est donné. C'est vraiment donné. Vous allez voir ce titre que je vous ai choisi donc ce soir. Il y a quelques petites notes qui m'ont fait penser à un célèbre titre de Deep Purple. De quel titre de Deep Purple s'agit-il? Tout ça, c'est dans la même question. Donc il nous faut la date de formation de Metallica, d'où ils sont originaires et à quoi fait penser le titre qu'on va vous diffuser tout à l'heure d'un célèbre groupe, un célèbre groupe de rock and roll, de hard rock. On va dire même des sources du hard rock. Plus la particularité du Trianon. Oui, non, mais ça, c'est pour les gagner les places pour aller voir Opès. Oui, non, mais ça va vous faire des questions à répondre ce soir. Ce soir, il y a beaucoup de questions. Il y a du boulot. Hein. Ouais, il y a du boulot. Donc 06 81 01 28 34. Merci. Nous enchaînerons ensuite avec des Allemands, les Allemands de Freedom Call, qui nous sortent un nouvel album qui s'appelle Master of Light. Alors, ça ne révolutionne rien, on vous le passe juste parce que le titre c'est Metal is for Everyone. Et comme le Rock for Show c'est également pour Everyone, et ben voilà, c'est pour ça que je vous les passe. Sinon, bon non, ça révolutionne pas le genre. Je dirais même que Beyond était peut-être nettement plus inspiré que ce Master of Light. Mais voilà, ça se laisse écouter, c'est toujours aussi bon. C'est sorti le 11 novembre et c'est sorti chez SPV. C'est leur 9e album, il contient 12 titres. 9e album studio, hein, bien entendu, il contient 12 titres. Voilà, le groupe s'est formé en 1998, il a été créé par Chris Bay et on trouvait Dan Zimmerman, Chris Bay qui est au chant et à la guitare. Dan Zimmerman qui fait plus partie du groupe, ça fait un petit bout de temps maintenant. Le groupe nous vient d'Allemagne, de Nuremberg, et ils nous font du power mélodique. Nous enchaînerons ensuite avec un autre groupe qui ne révolutionne pas le genre, mais qui est toujours agréable à écouter. Et qui est suédois celui-ci, et ça s'appelle Hammerfall. On vous les passe parce que c'est quasiment la même crèmerie, hein, ni plus ni moins. Le titre s'appelle Hammerheim, sorti chez qui? Bah chez Napalm Records, et c'est sorti en début du mois de novembre, le 4 pour être plus précis. C'est du power mélodique également, hein, comme Freedom Call. Le groupe s'est formé en 1993 et ils nous viennent de Göteborg. Bah voilà, je crois qu'on a tout dit pour la première partie de cette émission, mon cher Tom. Oui, sauf qu'on peut saluer parce qu'il n'y a que vous qui nous écoutez, les Québécois. Ouais, les Québécois. Les Radio Biz, RadioQuébec.biz. On vous fait plein de bibis et puis on va aller ouvrir la bouteille. Là, il a perdu le tire-bouchon. Il n'a pas commencé à boire, puis il t'a bourré. Moi, je bois la bouteille. Hop. Allez, musique. Metallica. Ouais, c'est parti. me why. It's my life, proudly I will defy. Hammer high until I die. Retour dans le Rock for Show, à la tienne! À la tienne! Allez, voilà! On en met partout! Ah. Oh merde! Rock for Show du soir, bonsoir, jeudi soir! Ah, ça fait du bien quand même! Premier jeudi, non, troisième jeudi de novembre! Jeudi. Non, sinon ça sera pas le Beaujolais nouveau, c'est toujours le troisième jeudi du mois de novembre le Beaujolais! Oui. Non, mais oui, c'est pour ça, je sais pas pourquoi j'ai dit le premier jeudi, le troisième jeudi du mois! C'est la première bouteille, tu veux dire! Du mois, oui! Première bouteille du mois! Oh bah, non, tu bois pas beaucoup, toi! Bon, allez, nous avons mais, écouté. Mais moi, donc... je bois avec modération. Il n'est pas assaut, mais je bois avec modération. Mais je bois avec brutal assaut, moi. Allez, nous avons écouté donc un extrait du nouvel album de Metallica, suivi par Freedom Call, plus Hammerfall. Donc j'espère que vous avez bien fait la fête, hein. Vous avez bien levé vos verres. Parce que c'était Hammer High, un verre haut. Tu vois, c'était un verre d'eau, hein, non. Montez votre verre haut. Voilà. Il est quelle heure? 8h04. C'est bien, 20h04 donc. Yes. Ah, pour dire que c'est le soir, quand même. Oui, hein. oui. 20h04 minutes, mais en France. Yes. Alors, est-ce qu'ils ont changé d'heure maintenant? Mais oui, au Canada, ils avaient déjà changé d'heure la semaine dernière. D'accord. Ils changent d'heure une semaine après nous, les Québécois, les continents américains. Alors, on leur dit bonjour, Radio B. Bonjour et bon début d'après-midi. Oui, c'est ça. Hein, puisqu'il est 13h, 14h. 14h. Il est 14h chez eux, donc... Bonne digestion, bonne bonjour petite sieste, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et puis on va dire bonjour à Annick. Annick qui joue et qui chante dans Cauchemar, que j'ai été voir avec Julien. On a été voir ça mardi soir, au club. C'était très bien, très bon concert. Et bon, ça nous a réchauffé un petit peu, parce que dehors, il n'est pas terrible, terrible, hein, mais c'était bien. Voilà, très très bon concert de Cauchemar. Merci beaucoup pour cette prestation qui était bien sympathique. T'as bien rêvé après? Ouais, bah après je suis rentré chez moi surtout et j'ai dormi parce que j'étais fatigué. Mais non, j'ai continué à faire l'émission de ce soir là que vous êtes en train d'écouter, je l'ai construite, enfin un petit peu en partie. Mais j'étais pas très frais, mais ça a été. Voilà, on va continuer donc avec ce que l'on entend en fond sonore, mon cher Tom, c'est quoi? Dakoba. Et il y a un groupe qui commence par A et qui finit par X avec un D au milieu qui a partagé la scène avec ce groupe. Ah oui, mais enfin, non, on a partagé un festival, mais pas le même jour. Oui. Par contre, eux, ils vont partager la scène de l'empreinte, ça sera demain soir, avec Our Theory. Et c'est quoi? C'est à Savigny-le-Temple, dans le 77. Bah, l'empreinte, c'est au bout de tes doigts. Oui, tout à fait. J'ai des empreintes partout, au bout des pieds aussi, hein. On peut le dire. Bah, tes doigts. Puis j'ai l'empreinte aussi rétinienne. Ouais. Hein? Et puis, si je fais des bisous, j'ai l'empreinte de mes lèvres. Ouais. Bon, tu vois, j'ai des empreintes partout, en fait. Mais de toute façon, t'es fiché maintenant. On est fiché. Partout. Quoi qu'on fasse, on est fiché. Fiché. Bon, eh bien, si vous voulez gagner des places pour aller voir, parce que ce soir, on fait gagner des places pour tous les trucs. Si vous voulez aller voir Dagoba en concert à l'empreinte. Il y a des soirs, on n'a rien, mais ce soir, t'as des... Ouais, t'as j'ai des trucs pour tout. Parce que c'est comme ça. Moi, je suis généreux. C'est hein, riche. On est riche. On a acheté plein de places pour vous les donner. Donc Dagoba et Our Theory 06 81 01 28 34. Voilà. Ou toujours la bouteille de Beaujolais. De Beaujolais, hein, Pif. La bouteille de Beaujolais Pif, c'est un fil rouge, hein. Normal. C'est un fil rouge. Et donc il va falloir répondre à plusieurs questions tout au long de l'émission. Alors David qui nous écoute, Chris qui nous écoute, il y a un autre auditeur aussi qui nous a appelé. Et puis il y en a eu un autre encore. Laissez vos prénoms quand vous nous appelez, parce que du coup on se rappelle quand plus. Vous nous envoyez des SMS. Voilà, quand vous nous envoyez vos SMS, mettez bien vos prénoms. SMS. Parce que j'ai pas tous les numéros de tout le monde non plus, hein. Donc qu'est-ce... Ah oui. Nous avons une bouteille. Hein, nous avons une bouteille là, vous l'avez entendu, on l'a fait sonner, on a bu un petit coup. De quelle année parce que c'est pas du Beaujolais nouveau. On vous a eu là, c'est pas du Beaujolais nouveau. Alors de quelle année est cette bouteille? Voilà. Hein, c'est, attention, c'est la deuxième, hein, c'est la deuxième partie de la question du pour gagner la bouteille. Hein. Oui. Parce que de toute façon, le Beaujolais nouveau, c'est dégueulasse. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris de Beaujolais nouveau. Nous, on s'est pris un bon. Hein, mais on le dit pas. C'est pas le... On s'est pris un fort appréciable. Voilà, un fort appréciable. Complètement. Et bien on va continuer avec la musique et un groupe français. Un groupe français qui nous vient de Melun ou Meul 2. Je sais plus. Je sais plus du tout. Ou peut-être Meul 3, je sais pas. Ou Meul d'or, si je t'attrape, je te mords. En tout cas, le groupe s'appelle Republic of Rock'n'Roll. Et on va vous passer un morceau qui s'appelle Vegas Can Kill Cyber Killer. Ça, c'était pour notre cher ami Jen. On avait choisi ce titre. Tu peux dire Melun, enfin tu peux dire Paris. Parce qu'ils sont oui, ils sont de Paris. Le titre de l'album, c'est Upside Down et ça sort le 25. Hein, c'est ça, c'est le 25 novembre. Ouais. Chez MEO Music. Et son concert dimanche. Exactement. Mais arrête de taper sur la table parce que tu fais trembler mon ordinateur et je vois plus rien. À la boule noire. À la boule noire, le 27. Alors est-ce qu'on a des places pour eux Ouais, une demi. J'ai une demi. Alexandre hein. J'ai une demi. Alex, est-ce qu'on fait gagner des places Je pense que tu dois. Julien, tu donnes ton aval, Julien. Hein. Bon, en tout cas, on vous l'a fait gagner et puis on vous dira si oui ou non c'est à gagner demain, puisqu'on les aura demain. Mais moi, j'ai une place en tout cas à leur faire gagner, puisque j'ai besoin d'être accompagné pour y aller au concert. Donc, à moins que quelqu'un, une charmante jeune fille, m'aime. Non, même pas. Elle te mène, tu veux dire. Et, ouais, mais si elle m'aime pas quand même, elle peut venir. Bon, allez, fini les trêves de plaisanterie. Donc, Republic of Rock'n'Roll. Ils en sont à leur deuxième album. Deuxième album, ouais, tout à fait. Formé en 2012. Oui, c'est du power rock. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ils ont fait une petite tournée déjà, une petite tournée en France. Oui. Ils font pas beaucoup de dates. Les clips sont drôles. Ils font des belles dates. C'est des clips ouais, qui sont très. Imagés. Imagé, caractérisé. Voilà. Ouais. Alors là, le clip, il met en scène une drôle de bataille de légumes où les légumes sont interdits par les végétariens, tout ça. Enfin, ils se battent à coups de courgettes, hein, c'est ça? Oui, ils se battent à coups de légumes. Les légumes sont des armes. Voilà. Donc, allez voir ce clip, il est assez sympa. Ça s'appelle Republic of Rock'n'Roll. Allez voir ça, c'est assez sympa. Les légumes qui se battent contre les cyborgs. Ils en avaient sorti un. Le premier clip qu'ils avaient sorti, c'était sur les hipsters. Attends, je vois un petit peu. Non, il voit pas la bouteille. Ah, merde, je peux pas voir la bouteille. Non, il est juste devant toi sur ta droite. Tu veux donner un verre. Allonge le bras droit. Voilà. Voilà. Allez, à la vôtre. Hein, parce que je reprends un petit peu. Et donc, voilà, c'est un groupe formé que j'ai côtoyé un petit peu. Donc, c'est pour ça que je me permets un peu d'en parler. Tu les connais bien. T'as couché avec ou pas? Non, parce que pour réussir dans le business, il faut coucher. T'as couché non, avec j'ai ou dit pas j'ai côtoyé. Ah, j'ai t'as pas, côtoyé. J'ai rien fait avec. Rien d'autre. Rien de sale. Ça nous intéresse pas. C'est pas tellement rock alors ton truc. Ton histoire est pas rock. Hein. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe qui nous vient d'un pays. Hein, d'un pays d'Allemagne. Un pays proche du nôtre puisque c'est l'Allemagne. Le groupe s'appelle AC. Non, pas d'ici. D'ici. Non, du tout. AC Angry. Et le titre que je vous propose de découvrir, c'est I Hate AC Angry. Moi, j'aime beaucoup, par contre. Eux, ils aiment pas, mais moi, j'adore. Et ce que j'adore surtout, c'est le titre de l'album. Je te laisse le dire, mon cher Tom, ou tu veux que je le dise? Non, je vais te laisser le dire. Appetite for Erection. Sorti chez SPV, c'est oui, ça? Oui, le 25 aussi, pareil que Rock'n'Roll Republic. Là. Mm-hmm. Hein, c'est leur deuxième album. Et c'est un groupe de heavy metal, c'est assez sympa. L'album fait 10 titres. Et moi j'ai franchement bien aimé. Le groupe s'est formé en 2011 et ils nous viennent de Saarbrück. C'est dans la Saar. Saarbrück. Oui, ouais, moi je dis Saarbrück. Ouais, non, pas Saar. Ouais. C'est une autre ville ça, Saarbrück. Oui, je sais bien. Hein, là, c'est Saarbrück. Et nous enchaînerons ensuite avec un groupe canadien. Kayotin. Ah, ça c'est le titre. Canadien. Guillotine tout simplement bah parce que comme on passe plus de groupe à trois lettres avec un A et un X à la fin et un D au milieu, et bien dont je porte le t-shirt parce que j'ai peur d'oublier le nom du groupe. Ouais. Voilà. Tu fais un clin d'œil à une personne. Là. Bien sûr, un abruti même. Donc, le titre s'appelle Guillotine et le titre de l'album, c'est pas un album, c'est un EP 4 titres qui s'appelle Red Kane. Comme le groupe. Comme le groupe. Hein, parce qu'on a dit Guillotine, mais on n'a jamais dit le nom du groupe, mais c'est Red Kane. Red Kane. C'est une autoproduction, c'est un quintet qui s'est formé en 2012. Ils nous viennent de Calgary au Canada et ils nous font du mélodique, expérimental, prog, heavy metal. Et rien que ça, tout un programme. Bon, en tout cas, moi j'ai adoré, j'aime beaucoup ce groupe. On vous passera trois groupes canadiens ce soir. Hein, c'est fête, c'est fiesta. C'est fiesta. En attendant, eh bien, on va aller se reprendre un petit coup de Beaujolais, pif. Et puis bah, vous allez pouvoir. C'est pas du Beaujolais pif. Mais oui, non, mais bon, c'est pour les gens. On va se prendre un petit coup de jaja. Voilà. Ah, mais du bon jaja. Du très bon jaja. N'oubliez pas, il faut vous trouver l'année. Voilà. Faut trouver l'année, hein, pour. N'allez pas chercher trop loin non plus. Hein. Pour gagner une bouteille de Beaujolais nouveau cette fois-ci, vous trouver l'année de celui du bon vin qu'on boit ce soir. Voilà. C'est bon pour vous. Alors on commence avec. C'est parti. Oui, public à vous à Canon. On enchaînera avec AC Angry et on terminera avec. Ouais, tienne. C'est parti, musique maestro. For vegetarian. This is the year 2034. Vegetables and fruit are now forbidden. The last genetically modified vegetarians are hunted down by a law enforcement cyborg. The deadliest machine against the healthiest humans. Of fury. thing to damage my ego. I know to try to kill my libido. Try to kill my libido. Thank you. Hey, I'm Brendan of Red Cane, and this is the Rockfort Show on Air Radio. Retour dans les studios au doux son de Hetz. Bah si c'était doux, putain, bah bah je sais pas ça. Ce que je suis moi alors. Bah c'est doux, doux, dur et dingue. Hetz. Le groupe sera en concert avec The Distance à la batterie à Guyancourt dans le 78 et ce sera samedi. Putain, il y en a des concerts ce week-end. Hein. Ah bah oui, non mais il y en a plein. D'ailleurs, bah tiens, puisqu'il y en a. Et bah tu vas nous en parler, mais d'abord je vais dire que quand même il y avait le groupe Red Cane qui nous a fait un petit ID, c'est sympa ça. Hein, oui, bah c'est ce qu'on a entendu juste avant de reprendre. Ouais, petits Canadiens, là, ils sont vraiment, vraiment top. Je sais pas si vous avez apprécié. Ce serait bien aussi ouais, que vous nous disiez un petit peu ce que vous avez aimé ou pas dans ce qu'on vous a diffusé depuis le début de l'émission. Et donc on va vous débriefer un petit peu ce qu'on vient d'entendre. Donc on avait commencé avec Republic of Rock'n'Roll. Yes, qui seront en concert ce dimanche à la Boule Noire. Ouais. Un concert MEO Music. Bon appétit, bien sûr. Merci, merci beaucoup. Avec après, on a écouté AC Angry avec le titre I Hate AC Angry. Non, Appetite for Erection plutôt. Ouais, ça c'était le titre de l'album. Voilà. Ah, et moi j'ai un appétit pour le saucisson et pas pour l'érection. Et nous avons terminé donc avec Red Cane, tiré de leur album, enfin de leur EP 4 titres Red Cane, qui sortira. Je sais pas si on l'avait dit que ça sortait le 25, si on l'avait dit tout à l'heure. Oui. Ouais. Comme Republic of Rock'n'Roll et comme d'autres qu'on va écouter tout à l'heure. Voilà, beaucoup de trucs pour le 25. Comme SCNG aussi, voilà. Les trois étaient du 25. Donc si vous êtes anniversaire. Si vous êtes le 25, vous demandez tous les albums qui sont sortis le 25, je pense qu'il va y avoir du monde. Quoi. Voilà, exactement. Donc, Hetz, je vous l'ai dit. Et maintenant, nous allons passer. Concert. Ouais, les concerts. Allez. Bah, déjà, une mauvaise nouvelle, parce que si vous voulez aller au Trabendo demain et que vous n'avez pas vos places pour aller voir. S'il vous plaît. Ouais, pour aller voir Vardruna. Voilà. Vardruna. Oui, pourquoi je dis Var? Ouais, Var, War. Ouais. Parce que t'es un peu allemand, c'est pour ça. Ouais, voilà. Tu dis wagon et tu dis pas wagon. Ouais. Hein, tu dis les water closet et non pas les water. Donc pour aller voir Wardruna, c'est complet et c'est des Trabendo, donc bah, nous on n'a pas de place. Bah non, non, non, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah du coup, on peut vous proposer. On va ouvrir une bouteille. Du coup, on peut vous proposer d'aller voir Dagoba et Awa Theory qu'on vous a annoncé tout à l'heure. Mm. Qui seront demain à Savigny-le-Temple pour un prix de à peine 15€. Mm. Et puis aussi demain encore, mais là c'est plutôt à Saint-Dizier dans le 52. Mm. C'est loin. Non, non, mais je les ai mis parce que. Parce que regarde tomber les hommes, c'est cool. Oui. Enfin, regarde les hommes tomber plutôt. C'est cool. Regarde les hommes tomber, monsieur. Avec Massisteria, c'est encore voilà, mieux. Voilà, c'est pour ça que je les ai mis. Parce avec que... Assassin, c'est cool. C'est excellent, Assassin. Mais avec Tancrust, c'est pas mal aussi. Ouais, bien Tancrust, c'est un bon album. Et puis après, bah, Deadwood et puis Death Decline, que je connais un peu moins. Ouais. Voilà. Bah, à découvrir quand même, alors ça se trouve à Saint-Dizier. Dans, hein. Dans le 52, méfiteux. Ah non, c'est 62, merde. Ouais, non, mais c'est bien. Hein. Ensuite encore vendredi, encore demain, oui. Valenciennes. On dit tout vendredi et samedi. Allez. Allez, Valenciennes. Allez, prends ton souffle. Allez, 1, allez, 3, 4. Allez, c'est parti. à Valenciennes dans le 59, Silver Stage, Sunlight et Barry Legal. Et puis un guest apparemment à Barry Legal. Voilà. Barry Legal. Ça veut dire limite légal, quoi. Ils sont complètement barrés, je sais pas, un truc comme ça. Et on commence ce week-end avec un festival Los Babas Fest à Paris au Gibus. Café Faubourg du Temple, non, Gibus Club. Ah, Faubourg du Temple, donc Métro République. Merodeur, Brother in Arms, Hour for Justice, Mind Waka, Die My Demon, Cause for. Eh, mais ils ont des noms, je te jure. Cause for Conflict et Polar. Voilà. Cause for Conflict. Cause for Conflict mm. Ouais. Cause for Conflict, ok. Mm. Lâche-le. Mm. Donc, Gibus Café. Bon, samedi à partir de 16h. Bah, l'apéro, ça sera Ogibus, et puis l'after, ce sera Ogibus aussi. Ogibus, pareil. Moi, j'aime bien quand tu donnes des dates de concert, comme ça, je peux manger tout le saucisson. C'est génial. Mais ça, c'était pas le fil rouge, le saucisson de merde. Et puis, je peux prendre un petit coup de jaja. Et samedi, on va continuer encore samedi. Oui. On est dans le 77, on va au Chaudron à Mets-sur-Seine. Un score. Chaudron de Beaujolais Nouveau. Ça se fait, ça, non? Non, Chaudron, potion magique, putain. Scores, Pogo Car Crash Control et Fallen 8. Fallen 8, voilà. Fallen 8, yeah! Tout ça, c'est au Chaudron à la Mets-sur-Seine. Pour un prix le Mets-sur-Seine. Le Mets-sur-Seine, ouais, moi je dis Mets-sur-Seine, c'est plus simple. Complètement. Plus simple, quoi. Ouais. Ils ont compris, les gens. Non, je t'ai dit la Mé. Ah, la Mé, ouais. La Mémé. La Mémé. La mère. Non, c'est le mai sur scène. Et on revient encore avec The Distance, Witches et Ed Samedi. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Aiguille en cours. Mais là, tout de suite. À la batterie. Non, c'est ça, bah, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'ai eu peur, j'avais mis 50 euros. Je fais waouh. Non, pas 50. 7,50€. C'est bon? Non, Sidi Larsen. Ah, Sidi Larsen. Un groupe qu'on aime ici. Oui. Avec Mirat, c'est au Forum de Vauréal. Ouais, j'ai failli les diffuser ce soir et puis il n'y avait plus de place. Alors, et puis on va peut-être pas pouvoir tout diffuser ce soir, on va voir. Allez, on enchaîne avec Arcane dans les nouveautés. Arcane tout simplement parce qu'ils sont également en concert. Si mes souvenirs sont bons, c'est leur release party. Hein, ça doit être leur release party. Le 22 novembre et ça sera au Petit Bain avec Voron en ouverture. Voilà, bon, on vous a déjà passé un extrait la semaine dernière, mais très très court d'Arcane. Et là, on a décidé de vous passer un morceau beaucoup plus long qui s'appelle Cub of Caliphate. Et c'est tiré de leur dernier album qui s'appelle KLM, sorti chez Overpowered Records le 10. Donc le 10, c'était la semaine dernière, mercredi dernier. Jeudi dernier. Quand on a fait l'émission, je suis bête. Et c'est le troisième album du groupe, il fait 12 titres. Puis il est un peu conceptuel, hein, puisqu'il nous parle un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, des attentats, de la vie de tous les jours. C'est un album assez noir quand même. Hein. C'est du death oriental, de moins en moins oriental. Et on retrouve au chant notre cher ami Manu Munoz, qui n'était autre que le chanteur de TODT, The Old Dead Tree. Donc il retrouve son comparse, le batteur Foued, hein, puisque Foued était également dans The Old Dead Tree. Et donc ça permet de peut-être qu'ils vont reformer The Old Dead Tree en même temps, faire une tournée qui pourrait être The Old Dead Tree et Arcane, pourquoi pas, hein, c'est des idées que je lance comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ben rien. Rien, juste écouter. L'album est vraiment différent de tout ce qu'ils ont sorti. Je suis pas rentré dedans, je dois vous avouer. Même si j'adore la voix de Manu, je suis pas rentré dedans. Je sais pas pourquoi, comment, j'en sais pas. Et Oni soit qui mal y pense, c'est Oni. Oni, le groupe, c'est pas la ville, hein. C'est pas Osni. Non, c'est Oni, O-N-I. Le prochain groupe que nous écouterons tiré de leur album Iron Shore et le titre s'appelle Barn Burner. J'ai bien aimé ce groupe qui est un groupe de... Alors, eux ils disent prog, oui si on veut, hein. C'est un groupe qui nous vient des îles Caïmans à la base, sauf que maintenant ils habitent à Elle au Canada. Donc voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous allions vous passer encore un groupe canadien. Donc des îles Caïmans, ils ont émigré au Canada. Le groupe s'est formé en 2014. Le label c'est Blacklight Media, mais c'est distribué par Metal Blade. Et le titre, je vous l'ai dit, je vous ai tout dit, hein, sur ce groupe. Et ma foi, moi j'ai bien aimé. Et on enchaînera encore avec un groupe canadien qui s'appelle Crepitus. Ça me fait penser, tu sais, à Spartacus, la série un peu cucu, sur les gladiateurs qui passaient sur je sais plus quelle chaîne. Ouais, ça peut te faire penser à Astérix et Cléopâtre. Aussi, ça, pareil. Crétinus aussi, hein, comme l'autre. C'est toi, Crétinus. Hein. Non, c'est pas moi. Crépitus, donc, hein, Crépinette aussi. C'est bon, ça, les crépinettes, ça se mange, c'est très bien. C'est tiré de leur album The Eyes of the... The Eyes of the Soulies. Alors, si quelqu'un peut nous dire ce que c'est que les Soulies, S-O... Ulles, eh bien, ça fait partie aussi pour remporter la bouteille de Beaujolais. Hein, de Beaujolard. De Beaujolard. Le titre que l'on écoutera de ce groupe qui s'appelle Crépitus sera Apex Predator. C'est une autoproduction qui sortira également le 25 novembre. Le groupe s'est formé en 2013. Ils nous viennent du Canada, de Calgary exactement. Et qu'est-ce qu'ils nous font ? Eh bien, ils nous font un métal avec des vocaux assez agressifs. Donc vous allez pouvoir découvrir tout ceci. Et on se retrouve après pour continuer avec notre fil rouge pour rafler cette bouteille de Beaujolais nouveau que nous vous offrons. Hein, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Buvez avec modération, buvez avec des amis surtout. Puis allez au concert, parce que il n'y a pas beaucoup de monde dans les salles en ce moment. Allez-y, allez faire la fête, parce que nous n'avons qu'une vie et il faut faire la fiesta. On vous laisse en musique, on vous retrouve tout de suite après 06 81 01 28 34 musique. Call the party. Hey, this is Taryn Wire of Crepitus, listening to the Rockfort Show on Air Radio. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rockfort Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30, 2 heures de métal pour mettre entre vos cages à miel, comme dirait notre cher tonton Zézé, que l'on salue et qu'on lui souhaite une très très bonne, j'allais dire Saint-Valentin, non pas du tout, n'importe quoi, c'est une très très bonne journée du Beaujolais Nouveau, voilà, hein. Allez tonton, à toi, à la tienne. Ce que vous écoutez en fond sonore, c'est le groupe Ishan, et vous avez entendu juste avant un petit message de la part du groupe Crepitus, qui nous envoyait un petit... Raspatus Crepitus. C'était très bien, c'était sympa. Donc sachez que pour Ishan, ils seront en concert le 22 à Paris, au Divan du Monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts cette semaine, avec Acile, groupe français, et que nous avons des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34 06 81 01 28 34. Alors qu'est-ce qu'on pourrait vous poser comme t'as, question? T'as vu, je te dis le 34. Attends, avec un accent du sud, ouais, 34 c'est comme ça, un héros. C'est comme l'héros. Tu sais quoi, on va leur demander combien j'ai de doigts. Combien j'ai de doigts? Pour ceux qui ont entendu le long moment de réflexion, j'ai fait, mais pourquoi il pose cette question-là? Voilà, parce que j'ai réfléchi, donc réfléchissez, c'est pas, la question n'est pas... Combien j'ai de doigts? D'honneur. Voilà, c'est juste ça, combien j'ai de doigts, vous répondez à ça et vous raflez une place pour aller voir Ishan et Acile. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne voient pas tout. Non, ils ne voient pas tout, non. Non, mais bon, ils peuvent essayer de... Hein, c'est drôle aussi en même temps. Enfin, nous, ça nous fait rire. Eux, non, mais nous, oui. Nous, on aime bien se marrer un peu. C'est la radio, voilà. Il y a des privés de jokes, malheureusement. C'est une radio très visuelle. Allez voir sur Facebook. Hein. Ah oui, non, mais il y en a 10. Pour compter le nombre de doigts, il faut aller sur Facebook. Ah oui, oui, il faut aller sur Facebook aussi. Hein. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on en a écouté, mon cher Tom? On a commencé avec. Beaucoup de choses, mon cher Phil. Oui, enfin, trois choses. Trois petites choses. Et puis s'en vont. Non, et puis on continue. Non, peut-être pas quand même. Alors, on a commencé avec... Arcane. Arcane, bien entendu. Les Français d'Arcane. On a continué avec... Oni. Oni qui sont allemands, c'est ça? Je me rappelle plus. Ouais, je crois. Je sais plus, ouais, ils devaient être... Exact. Non, ils sont canadiens. Enfin, maintenant, ils sont émigrés au Canada, mais sinon, ils étaient des îles Caïmans. Et Crepitus sont canadiens. Voilà, et donc on va continuer avec la suite du programme, à moins que tu aies des concerts à nous annoncer peut-être. Oui, on a encore un, parce que tout à l'heure tu m'as coupé court, mais c'est pas grave. Hein. Mais non, parce que t'étais long, j'avais soif. L'émission n'est pas finie, mais t'avais soif. J'avais soif. Allez, vas-y, donne-nous ce dernier concert, c'est quoi le concert du week-end? Non, il y en a, enfin, j'en ai encore 2-3, mais ouais. Voilà. J'ai encore un concert, 2 concerts là pour samedi, si je me trompe pas, celui-là je l'ai pas annoncé. À Besançon, dans Besançon, ouais, voilà, dans le 95 à la salle Paul Bonneville. Ce sera le Winter Rising Fest 2016 avec Debaucherie, Blood God, Temple of Baal, Genital Grinder, Ratamata. C'est Negation. The Negation, ouais, voilà. The Tinner, My Over Fear et Lumberjacks. Lumberjacks, ça me parle. Hein. Oui, c'est un groupe du 95, je crois. On les a pas déjà reçus ici? Si. Mmh. Avec, attends, on les a reçus dans le Rock for Show pour un anniversaire, je crois, du Rock for Show. Ah ouais? Oui, mais t'étais pas là encore. D'accord. Bah, ça doit pas être les mêmes. Non, mais si, c'est le Lumberjack. Ils font beaucoup de concerts. Ils ont sorti un magnifique album. Tout ça, ils sont bien. C'est pas ceux qui jouent dans le métro? Non, ils jouent pas dans le métro. C'est pas les mêmes alors. Non. Un autre concert? Ou c'est terminé pour l'instant? Non, il y en a d'autres. Il y a Drakkar et Firefox. Ah, bah oui, bien sûr. Qui sont chez moi? Chez toi? Oui. En Bretagne? Non, c'est à Mayenne quand même. Ah, c'est à Mayenne. Ouais. Ils sont chez Philippe. Hein. Chez Philippe, ah ouais, oui, à Montenay. À Montenay, c'est une salle qui est très connue, que beaucoup de groupes. C'est comme chez Paulette. Un peu. C'est un peu pareil. C'est un peu, oui, c'est un peu. C'est Ça ressemble un peu à quelque chose près. Quoi. C'est tout ? On s'arrête là pour l'instant ? Ouais, après sera le lundi. Donc lundi, on passe le week-end avant. Ouais, là c'était le week-end, on a fini le week-end et on rendra la semaine prochaine tout à l'heure. D'accord ? Yes ! Allez, on va continuer donc dans les nouveautés, puisque c'est le jour du Beaujolais nouveau. Buvez avec modération, tout abus d'alcool est dangereux pour la santé, sauf pour les animateurs radio. Mais voilà, et donc on va continuer avec Dope. Toi tu te dopes toi. Ouais, je me dope. Comme me ça dope. Toi. Et le PO c'est fini hein. Dope. Alors là j'espère que tu vas bien nous enchaîner le tout parce qu'il y a une intro plus. Oui, c'est ce que je viens de voir, enfin ce que j'ai vu tout à l'heure plutôt. Donc le titre s'appelle Blood Money. L'argent ensanglanté. Enfin l'argent ensanglanté, et c'est tiré de leur album Blood Money Part 1. Sorti chez SPV en octobre 2016, donc tout récemment. C'est leur 7e album, studio bien entendu, il nous fait 15 titres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Ben, c'est un quatuor qui nous vient de Chicago et ils nous font du metal indus. Ils se sont formés en 1997. C'est bien aimé cet album, Dope. J'ai bien aimé. Voilà, moi je suis pas très très metal indus, mais pour le coup là j'ai bien aimé. Ensuite on enchaînera avec le groupe dont je vous ai parlé la semaine dernière, où je me suis complètement planté, puisque je vous ai parlé de Devilment en vous disant qu'il y avait des réminiscences Halloween. Pas du tout, c'était le groupe Lancer. Lancer qui est un groupe suédois. C'est un groupe suédois, c'est un quartet formé en 2009. Et ils ont sorti donc leur nouvel album là il sortira le 13 janvier 2017, donc c'est quand même une belle exclusivité chez Nuclear Blast. Et voilà, c'est ça qui est inspiré Michael Kiske, Halloween, enfin vous allez voir. Hein. J'ai bien aimé, c'est sympa, mais pas du tout original. Donc Lancer s'est tiré de l'album qui s'appelle Mastery. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Iscariot. Hein qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Bah, c'est tout. Vous aurez qu'à écouter et puis vous faire votre propre avis. Nous enchaînons ensuite avec 6AM. Est-ce qu'on doit vous présenter encore 6AM ? Le groupe de Nicky Six, ex Motley Crue, puisque Motley Crue a mis fin à sa carrière. Enfin, ils n'ont pas encore fini leur tournée d'adieu, mais bon. Donc voilà, monsieur Nicky Six. 6AM, je suis pas très fan. Pourtant, là, le titre que je vais vous passer, qui s'appelle Barbarians Prayers for the Blessed, c'est pas mal. Franchement, j'ai un peu craqué sur ce morceau. Ça parle un petit peu des attentats, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils le sortent à cette époque. L'album s'appelle Prayer for the Blessed. Et c'est sorti chez 117 Music le 18, c'est-à-dire demain, ça sort. Hein, donc, c'est pas vraiment une exclue, mais bon. C'est la deuxième partie du troisième album, puisque la première partie était sortie en avril 2016 de cet album. Et donc là, c'est la part 2. C'est du hard rock, c'est bien foutu. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais bon, il y en a qui vont crier au génie, pas moi. Le groupe s'est formé en 2007. Ils nous viennent des USA, bien sûr, de Los Angeles, comme Motley Crue. Et puis, c'est tout. Voilà, et puis vous allez écouter et vous ne casserez pas les pieds. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous sortir comme... Bah non, on l'a dit la question. La question, on l'a dit, hein, c'est combien j'ai de doigts. Hein, c'est ça, mon cher Tom? Oui, il faut aller voir sur Facebook parce que sinon, c'est pas normal. Bah sinon, vous n'allez pas comprendre la question surtout. Ah, combien oui. J'ai de doigts. Hein Sachant qu'il y en a des cachés. Attends, j'ai été voir à l'instant, mais j'ai pas vérifié. T'as pas vérifié ? Bon. Et je crois qu'il y en a des cachés, donc ils peuvent pas les voir. On vous laisse donc en musique et avec le numéro de téléphone 06. Il y en a des cachés, donc vous pouvez pas les voir. Donc faut essayer d'aller un peu plus par loin. Déduction. Ouais. Hein, 06 81 01 28 34. Et nous commençons avec Dope, nous continuons avec Lancer et nous terminons avec 6AM. On vous laisse en musique, on vous retrouve tout de suite après. Musique. I play the cards I was given. I survive for a living. I get you high for a living. I watch you die for a living. Believe that. seem to get that through to you. I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand? Finally! We'll be right back. citizenship. You wanna bleed? Gonna take a knee? Are you gonna stand up? I am. Show me what you got before you start to rock. Are you fucking ready? Les studios pour la dernière partie de l'émission, enfin presque. Bon appétit. Merci. Il est 20h15. Si vous devinez ce que mange-t-il. Devinez ce que je suis en train de manger. Bon. Non, c'est que du pain, je vous rassure. Et votre score sera maximum, si vous devinez. Oh, le jeu de mots pourri. Oui, parce que Le groupe qui est en train de jouer en fond sonore s'appelle Scores. Ils sont français. C'est un quintet, ils font du hard rock. Ils se sont formés en 2011. Et ils nous viennent de Melun. C'est comme les autres de tout à l'heure. Melun, Meul 2, Meul 3, Meuldor, si je t'attrape, je te mords. Et puis il y a Meuldor, celui qui fait la vérité est ailleurs, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Eh bien que Scores seront en concert après-demain. Ouais, à la mai sur scène. Mmh. Au Chaudron, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Fallen 8 et Pogo Car Crash Control. Voilà. Vas-y, crache-le par terre, on va le trier. Et Fallen 8. PCCC. Et ça sera. 8 euros. 361 avenue du Vercors à 8 euros. Ouais, tout à fait. Internet existe aujourd'hui maintenant, ouais. Si vous voulez chercher une salle. J'aime bien manger en même temps que je parle. Ça fait très poli. Parce que je le fais pas d'habitude. Vous remarquez que. Vous savez quoi ? Je bois un coup même. Il va boire en même temps. Voilà, tiens, allez, à la vôtre. Hein ? Pas mauvais, hein. Donc je vous déconseille fortement d'inviter Phil à déjeuner un jour. Il est très mal poli. C'est vrai. Ce soir, je suis particulièrement. Donc, mesdemoiselles, si vous voulez être invité à déjeuner, 06 84 17 50. Non, je dirais pas. Non, s'il y a une jolie fille qui veut aller manger japonais avec moi, 06 81 01 28 34. Ah, je lui paye le resto, bien sûr. Hein. Et elle a même pas, il y a même pas de question. Elle aura même pas, si elle veut pas me parler, elle me parle pas d'ailleurs. Hein. Mais par contre, si elle est bête, ça va être dur. Il va y avoir des sushis, hein, moi je te le dis. Allez, on passe à la suite de la programmation. Déjà, on va débriefer un petit peu ce qu'on a écouté puisque c'était pas mal, c'était sympa. Hein, t'as aimé? C'était cool. Ouais. Donc on a commencé Stephen. Avec Dope. On a commencé avec Dope, on a continué avec Lancer et on a terminé avec 6AM. Et 6AM, c'était pour moi presque la meilleure de la programmation de cette partie-là, hein, des trois titres qu'on a écoutés. Oui, Lancer, voilà. ça ressemble vraiment, vraiment à la voix de Michael Kiske et Halloween. C'est très inspiré. Hein, donc voilà, c'est le seul groupe-là que je voulais vous parler la semaine dernière. Donc nous allons terminer avec deux grands chanteurs qui sont plutôt jeunes, mais qui chantent toujours aussi bien. Satan Juggers. Je vois pas du tout ce que ça vient foutre là. Ah. Je quitte l'émission. Je rends mon tablier. Non. De très grands chanteurs et des bons chanteurs, des vraiment excellents. Oui. Mais... Hein. Puisque nous allons parler de Glenn Hughes. Et c'est un personnage. Un très grand personnage. Bon, après, pareil, il a son caractère, il a tout ça. Moi, à chaque fois que je l'ai rencontré, c'était un personnage extrêmement disponible, gentil. Et on a parlé un peu de tout, de toute sa carrière, que ça soit dans White... Whitesnake, Deep Purple, je sais plus. Enfin bref, partout où il est passé, on en a parlé. Black Sabbath... Enfin franchement, le personnage très, très, très disponible. Contrairement à tout ce qu'on m'avait dépeint de ce personnage-là. Donc Glenn Hughes, parfait. Continue comme ça, gars. Tira loin. Tira très loin. Ça fait, je sais pas combien, 60 ans qu'il existe. Il chante. Comme ça. Ouais. Hein son nouvel album contient 11 titres. Il est sorti chez Frontiers le 4 novembre. Il s'appelle Resonate. C'est le titre que je vous propose de découvrir ce soir. Il s'appelle Heavy. Il contient 11 titres, c'est du rock, c'est du hard rock. Hein. Et donc, monsieur Glenn Hughes a commencé sa carrière en 1978, enfin, pour ce qui était du reconnu. Hein. Il nous vient du Staffordshire, au Royaume-Uni. Bon, je sais pas où c'est exactement ça, le Staffordshire. Bon, c'est pas grave, vous pourrez peut-être nous aider là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh bien, le line-up du groupe, oui, bien sûr, puisqu'il y a Glenn Hughes au chant et à la basse, ex Black Country Communion, ex Deep Purple, ex Black Sabbath, ex Glenn Hughes tout seul, ex plein d'autres groupes, parce qu'il a participé à plein d'autres choses. Il y a Mark Killian au clavier, et il y a surtout Monsieur Doug Aldrich à la guitare, qui est aussi un ex Whitesnake et ex Ron James Dio. Voilà. On enchaînera ensuite avec un autre grand chanteur de Alcatraz, mais il s'agit de Monsieur Graham Bonnet qui nous sort un album qui s'appelle The Book. Alors il est en deux parties cet album, il y a d'abord un album de nouveautés, dont on va vous passer Everybody Has to Go There, et un autre album qui est en fait des réenregistrements de sa période, de son âge d'or, de tout ce qu'il a pu faire. Et je crois qu'il doit comporter, je crois, 14 titres. Et l'album d'inédit, il fait 11 titres. Donc il nous vient des États-Unis, de Los Angeles, bien évidemment. Ça sort chez Frontiers aussi le 4 octobre, le 4 novembre, excusez-moi. Il est déjà sorti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ben rien, c'est très bien. Pour revenir à ce que disait Staffordshire, c'est Stafford. Voilà. Dans Stafford, c'est ça? Ouais. Bah, du côté de Stafford, donc du côté de Stafford. Au nord de l'Angleterre. Très bien. Bah merci. Voilà, donc des albums. Comment dire? Si vous n'avez aucun album de Glenn Hughes et de Graham Bennett, bah, c'est à vous précipiter dessus. Vous les achetez, en plus ça doit pas être très très très cher puisque ce sont des nouveautés. Donc vous faites un bon investissement parce que ce sont vraiment deux très très bons chanteurs. En tout cas moi je les adore. Donc on vous laisse avec eux et on vous retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission et le dernier concert qu'on aura annoncé. Musique Maestro, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? On revient déjà? Ouais, on leur dit au revoir dès maintenant parce qu'on sait pas à quelle heure va nous couper Radio Biz. Hein, puisque... Oh les salauds! Non, ils sont très gentils. Eric, t'arrêtes de couper la radio, sérieux! Non, ils sont très gentils. Non, juste pour vous dire que le dernier morceau qu'on vous passera après Graham Bennett, c'est Whitechapel. Whitechapel, tout simplement parce qu'ils seront en concert le 23 et qu'ils seront pas tout seuls puisqu'ils seront au Trabendo avec The Art is Murder. Carnifex, il y aura ici Obey the Brave et Fallujah, excellentissime groupe, et Make Them Suffer. Voilà, et puis il y aura Polar aussi également. Donc voilà, c'était juste pour vous annoncer ce concert. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission tout en métal, comme d'habitude. Hein, donc c'était rock. Ah c'était très rock, c'était très fort et puis c'était très chaud et c'était très. C'était très cool. Et puis merci à tous d'avoir participé. Donc il y avait pour dire. Ah oui, les doigts. Ouais, il y avait 5 doigts au pied, 5 doigts à la main et. Non, il y avait 10 doigts au pied, 10 doigts à la main. 10 doigts sur la casquette visible. Non, il n'y avait pas 10 doigts sur la casquette. Il y en avait deux visibles. Regarde. Ah ouais, si tu comptes juste, c'est doigts d'honneur. Ah ouais, oui, il y en a deux. T'as deux fois deux mains. Oui, mais d'accord. Bon, voilà. En tout cas, ce n'était pas 20 ni 10 hein, au niveau des doigts, puisque vous nous avez répondu tout ça. C'était beaucoup plus. Ouais, c'était 40. C'était 40 doigts. Voilà. Donc on vous fait des grosses bises. Il y a quand même des doigts purs. On vous fait des grosses bises et on vous dit à la semaine prochaine, même lieu, même heure, 19h30. Et puis c'était une bouteille de 2015. Oui, voilà pour le vin. Donc personne n'a gagné. Et puis entre le Trianon et c'était quoi? C'était que il y a un passage secret avec l'Élysée Montmartre. Oui. Voilà. Pour les réponses, parce que c'est bien de vous poser des questions, mais on vous donne aussi les réponses. Allez, on vous laisse avec Graham Bennett et puis Whitechapel, et on vous dit à la semaine prochaine. Et puis, comme on a vos numéros de téléphone, on vous dira qui a gagné quoi. Voilà!